tes potes sont humiliés. Oh les bâtards, le radar t'a flashé devant les faits, tu veux finir. De toutes les manières, t'as trahi tes proches pour les nénés. Toutes les femmes elles te connaissent, elles font ton bonheur, on te connaît. De toutes les manières, t'as trahi tes proches pour les nénés. Toutes les femmes elles te connaissent, elles font ton bonheur, on te connaît. Tout le monde sait que t'es déjà dedans. Chaud la chaud. C'est inconnu, c'est déjà bébé. Chaud la chaud. Tu la connais même pas, t'es déjà tombé. Chaud la chaud. On t'a grillé, c'est bien. Le garçon là-bas, chaud la paix. Tu peux pas vesqui, chaud la paix. Les mains sur le corps, chaud la paix. Tu n'es pas bourré, chaud la paix. Le garçon là-bas, chaud la paix. Tu peux pas vesqui, chaud la paix. C'est déjà bébé, chaud la paix. Tu n'es pas bourré, chaud la paix. Merde, t'es plus validé, t'as que des sales idées. Tu kiffes les allumeuses, toi t'es qu'un animal. Tu fais honte à ta mère, là tu n'as plus les mots. T'as sombré dans le rhum, merde alors. T'aimes les boules, sur Insta. En DM tu réponds, à l'instant. On sait que tu likes par instinct. Amigo, amigo, t'es grave insta. Espèce de chaud lapin, ici fais pas la star. C'est pour tout le monde, t'as rodable, ici fais pas la star. Tu pleures, personne veut t'approcher. Bobo, ton cœur est bien touché. Tu pleures, personne veut t'approcher. Bobo, ton cœur est bien touché. Tout le monde sait que t'es déjà dedans. Chaud la chaud. C'est inconnu, c'est déjà bébé. Chaud la chaud. Tu la connais même pas, t'es déjà tombé. Chaud la chaud. On t'a grillé, c'est bien. Le garçon là-bas, chaud la paix. Tu peux pas vesqui, chaud la paix. Les mains sur le corps, chaud la paix. Tu n'es pas bourré, chaud la paix. Le garçon là-bas, chaud la paix. Tu peux pas vesqui, chaud la paix. C'est déjà bébé, chaud la paix. Tu n'es pas bourré, chaud la paix. Chaud la paix. T'as ta bulle de ouf, c'est nous.